Nous sommes Radio Cayenne, c'est tous les lundis. Si t'as pas d'ordi, va donc chez tes amis. Tu entendras les infos de lutte sur Nantes. Grève, réflexion, manie. Et puis des blagues! Salut, vous êtes toujours sur Radio Cayenne. Donc maintenant, on va faire un petit point sur les grèves en cours dans le milieu de l'éducation, puisque depuis le début du mois de mars, là, le mouvement a commencé par rapport à la loi Blanquer. Donc aujourd'hui, c'était donc en Loire-Atlantique, c'était journée de mobilisation. Donc il y a eu 500 personnes qui se sont mobilisées à Nantes. Donc le cortège partait de l'université de Nantes où il y a eu une AG et donc la SMIP, donc le principal syndicat étudiant, estime 18% de grévistes dans le premier degré. C'est quand même pas mal. Donc là, je vais vous rappeler un petit peu les raisons de cette mobilisation et les raisons de la grève. Donc c'est en réaction à la loi Blanquer qui est en train d'être votée, en train de faire des allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée. Et alors, je vais vous rappeler qu'est-ce qui ne plaît pas dans cette loi. Donc il y a plusieurs points. Le premier point, c'est surtout que... alors, cette loi s'appelle l'école de la confiance. Donc le premier article de cette loi, en fait, c'est une loi qui invite les profs à... les profs et d'ailleurs tous les personnels de l'éducation, à ne pas critiquer ouvertement donc l'institution en fait de l'éducation nationale, et notamment sur les réseaux sociaux, et donc qui prévoit des condamnations pour les gens qui par exemple citeraient des noms en critiquant des fonctionnaires comme des inspecteurs ou d'autres personnes d'ailleurs publiquement quoi sur les réseaux sociaux. Donc une deuxième raison de cette grève, c'est aussi il y a un changement dans la formation des enseignants. Donc déjà donc les écoles qui forment les profs, donc c'est les ESP, et donc ils sont en train de virer tous les directeurs de toutes les ESP et de les remplacer par des gens qui sont directement nommés en fait par le rectorat. Donc du coup, bah forcément, c'est plus facile à être contrôlé. D'ailleurs, le nom change aussi. Ça passe de SP à INSP, je crois. Donc ça passe de École supérieure du professorat à Institut national du professorat et de l'éducation. Donc il y a bien une volonté de tout centraliser. Il y a également des changements au niveau du statut des directeurs, qui donc ça évolue de plus en plus vers des espèces de mini chefs d'établissement qui seraient amenés à prendre des décisions. Il y a aussi, ah oui, alors dans ce changement de formation aussi, il y a également, vous avez peut-être entendu parler de la possibilité pour les gens qui travaillent comme pions dans les collèges de la possibilité qu'ils fassent prof pour dépanner. Bah, ce genre de truc, en fait, ils essayent de créer de plus en plus de ce genre de postes, en fait, de gens qui vont se retrouver à faire un taf de prof sans avoir eu la formation, et sous prétexte que ça va permettre à des gens de commencer à se former, en fait. C'est-à-dire qu'avant d'entrer en formation de prof, ils vous font confiance, c'est à vous d'aller vous présenter dans des écoles pour prendre des tafs de contractuels, prendre des tafs de surveillants dans des lycées. Et donc, ils se déchargent, en fait, d'avoir à faire, eux, cette formation. Et ils la remplacent par des espèces de pseudo-emplois qui vont être moins bien payés que des boulots de prof, quoi. C'est des boulots que, du coup, ils devraient être faits par des gens qui ont eu des formations, qui sont qualifiés, qui vont être faits par des gens inexpérimentés, qui donc forcément vont être mis en difficulté. Surtout que les postes qui vont être accessibles pour eux, ça va être les moins demandés. Donc ça va être des remplacements, ça va être des zones difficiles. Voilà. Une autre des raisons de la grève... que je retrouve mon petit post-it qui s'est égaré sur mon appareil informatique. Ah, voilà. Alors, il y a aussi le fait que l'évaluation des résultats de l'institution scolaire ne va plus être fait par les mêmes personnes. Donc, l'évaluation de la politique éducative va être confiée à une instance qui s'appelle le Conseil de l'évaluation de l'école. Donc, il y a 14 membres dans ce nouveau conseil. Il y aura 14 membres et 10 de ces 14 membres vont être choisis par le ministre. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. Comment est-ce que... Enfin, ça se mord la queue, quoi. Il n'y a plus d'institution indépendante qui va évaluer les résultats des politiques éducatives. Et puis, pour finir, il y a aussi les mesures qui ont été pas mal discutées dans les médias, des mesures qui tournent autour des symboles de la République, donc foutre des drapeaux tricolores dans toutes les classes, mettre les paroles de la Marseillaise obligatoires dans les classes. Donc ça, c'est des trucs qui traînent depuis Sarkozy et qui voilà, des trucs pas terribles. Voilà... Oui, donc ce que je disais tout à l'heure en premier, donc sur l'école de la confiance, donc c'est sous couvert d'exemplarité du rôle de fonctionnaire, en fait, c'est interdire des expressions publiques qui dénigrent l'institution scolaire. Ça, c'est la formulation de la loi. Donc ouais, c'est clairement quand même, t'as pas le droit de critiquer l'institution scolaire si tu travailles dedans. Donc bah forcément. Ça empêche beaucoup d'actions. Voilà, donc là maintenant je vous ai expliqué pas mal les raisons de démobilisation. On peut passer au calendrier. Donc, toute cette semaine, il y a tout un tas de trucs qui sont prévus, notamment au niveau départemental en Loire-Atlantique. Donc aujourd'hui, c'était l'AG et le début de la mobilisation. Demain... Il y a des AG, il y a encore des AG, il y a des réunions de secteur et du tractage partout dans le département. Mercredi, il y a des réunions intersyndicales. Jeudi, il y a un truc qui s'appelle la nuit de l'éducation. C'est donc une mobilisation qui incite les professeurs à occuper, une fois que leur journée de travail est terminée, rester dans leur école en fait et occuper les lieux pour y inviter donc les parents et pouvoir discuter en fait sur la situation actuelle de l'éducation. Voilà. Mardi prochain, donc le 19, c'est là pour le coup c'est un appel à la grève nationale qui est interprofessionnelle et intersyndicale. Donc le départ sera à 13h30 place du commerce à Nantes, pour celle de Nantes, pour les autres, je sais pas. Et en fin de mois, là, le samedi, il y aura également une grosse journée de mobilisation. Voilà. Donc là, maintenant, je pense qu'on va s'écouter un petit peu de musique. Et puis ensuite, on reviendra avec... on parlera des déclarations de l'ONU et de l'UE par rapport aux violences policières pendant le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, à tout à l'heure.